Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 32. J'espère que vous allez bien. Ça va être un épisode spécial aujourd'hui où est-ce que... Ben, en fait, vous avez sûrement vu sur ma page Facebook que j'ai terminé... Pas moi qui les a faites. Mais les travaux sont terminés à la maison. Alors, mon armoire Nintendo que voici, qui est toute à l'envers, devra descendre en bas, mais ça pèse en chien, ça. Alors, ça va attendre un petit peu, mais j'ai quand même installé mon bureau en bas de travail. Et puis, j'ai commencé à tranquillement installer mes jeux et tout, sans que ça soit final, comme j'avais dit dans mon post, mais juste à vivre un peu avec. Alors, c'est ça. Je vais vous présenter ça. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie de parler, comme je l'avais aussi dit dans ce post Facebook, parler de ma petite aventure immobilière, de comment est-ce qu'on est parti de notre maison pour arriver ici, puis le plan qu'on avait de faire excaver le sous-sol. Bref, c'est pas mal big tout ça, et puis je pense que c'est intéressant. Donc, ça sera pas tant sur les jeux vidéo aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à ajouter à ma collection, quelques petits jeux Game Boy, tu sais. Mais rien qui vaille tant la peine. Et puis, c'est ça. Donc, le but, c'était d'avoir aussi une Game Room dans le sous-sol. Donc, ça va être mon lien jeu vidéo, là. Fait que, avant de commencer à raconter tout ça, je voulais juste vous montrer une dernière fois le haut, où est-ce que j'ai enregistré pas mal tous mes épisodes avec mon armoire. Et puis, on va descendre en bas ensemble. Fait que je me filmais devant cette armoire Nintendo. Dans le fond, là, ça c'est mon arcade kick sur laquelle j'ai joué. Donc si on recule un peu beaucoup, c'était pas mal là-dedans que ça se passait. Là, cette chose blanche-là, ce meuble-là, c'est temporaire, là, c'est juste qu'il faut qu'on s'organise. Mais mon bureau était là, mon armoire était là, j'ai eu un setup gaming là, dans le fond, pendant un bout. Donc, je jouais pas mal, ma vie se passait dans cette zone-là. Et puis, ici, ce grand carré découpé n'existait pas. Donc là, on va aller vers le bas. Ici, on a une cage d'escalier qui mène au sous-sol. Mais il n'y avait rien là de ça. Ben, je veux dire, il y avait une cage d'escalier, mais il y avait une porte. Il y avait une porte ici, et puis l'ouverture était beaucoup moins large. Donc, on a enlevé la porte, puis on a fait finir flush. Et puis, on a fait faire un trou, une percée de chaque côté. Comme ça, la lumière passe de en avant à en arrière dans l'immeuble. J'aime quasiment autant ce trou-là que le sous-sol au grand complet. Sérieux, là, ça l'a changé vraiment beaucoup l'allure du rez-de-chaussée. Et puis, ça l'a fait un bordel incroyable parce que ça ici, c'est de la vieille latte et puis du plâtre de 1927. Et puis, quand ils ont mis la skill ça là-dedans, là, il y avait de la poussière. Écoute, ça, c'est notre micro-salle de bain. Là. La porte était fermée, OK? La poussière, elle s'est ramassée. Passer cette porte-là, rentrer là-dedans sur nos brosses à dents. Fait que trois portes sur nos brosses à dents, il y avait de la poussière. Il y en avait dans toutes les craques, il y en avait partout. C'était un vrai cauchemar. Mais aujourd'hui, je suis bien content. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et puis, c'est un très belle. C'est bon. C'est un bel investissement. Donc, on descend, escalier 9, qu'il faudra vernir nous-mêmes. On a dit qu'on allait le faire nous-mêmes pour économiser 1000$. Fait que vous l'avez déjà vu en photo, ça ressemble pas mal à ça, là. Donc là, attendez. Ici, j'ai comme un genre de renfoncement dans le mur parce qu'on a fait... On est allé creuser en sous-œuvre. Et puis, qui dit creuser en sous-œuvre dit gonfler les murs en béton. Fait qu'on n'a pas eu le choix. Fait que moi, mais juste à mi-hauteur. Donc, moi, j'ai demandé à l'entrepreneur de garder un trou ici. Mon but est de mettre mes jeux. Donc, là, ici, il y a mon full set NES au grand complet. Je dis full set, mais il me manque bien sûr Stadium Events. Par contre, j'ai des affaires de plus, comme par exemple. 2, 3, 4 versions de Super Mario Bros. 3, 2 versions de Mario Duck Hunt, 2 versions de Zelda, les 3 versions de Wayne Gretzky Hockey. T'sais, j'aime collectionner les variants. Mais les variants, comme qui valent qui sont intéressants, là, pas les trop micro compliqués. Fait que ça, c'est mon, c'est le full setness. Je trouve que ça, il y a quand même de la place en masse encore, là. Ça a pris même pas la moitié, presque la moitié. Puis j'aurais pu en mettre plus haut. À noter que je déteste que ça soit empilé verticalement comme ça, parce que le pauvre jeu du bas, il est tout écrasé. Il a mal. Puis là, j'ai de la misère à le sortir, tu sais. Donc, idéalement, c'est enligné comme ça sur des tablettes à l'horizontale. Mais pour ça, ça va venir. Je vais faire custom. Mais pour l'instant, je voulais y aller de même pour sortir mes jeux de leur boîte. Et puis, des grosses boîtes dans lesquelles il est entreposé et les nettoyer. Ça, c'est le set Super NES, dans le fond. Fait que j'ai quatre colonnes de... Combien de jeux j'ai mis là-dedans? 33, je pense, plus celle-là. Fait que j'ai pas mal de jeux de Super NES, mais pas mal tout ce qu'il me faut. Mais ça aussi, je trouve, ça prend pas tant de place. Fait qu'il me reste tout ça, pour l'instant. Mais là, attention, ici, j'ai une boîte bien pleine de jeux Atari empilés n'importe comment. Attendez. Empilés n'importe comment que j'ai pas eu le temps de gérer. Atari, Coleco. Ça, c'est ma prochaine étape. Je vais mettre ça là-dedans aussi. Parce qu'il faut que je fasse un ménage pour voir. Il y a des choses qu'il faut qu'ils partent. Fait que c'est ça. Mon bac, oui. Tout mon stock, oui, est là-dedans. Ça, c'est un bac mixte avec un peu n'importe quoi. Les consoles. Fait que bref. Ça, c'est ce qui me reste. Sinon, tout ce qui me reste vraiment, c'est en haut dans le meuble Nintendo. Donc, j'ai commencé à brancher le tout tranquillement sur ma super télé qui est présentement setée en composite. Et puis, je peux faire du S-Vidéo aussi dans cette télé-là. C'est la puissante télé Sony PVM que je vous parlais. Donc, mais mon but, éventuellement, c'est d'avoir cette télé-là, une télé HD, là, moderne, puis mon ordi. Peut-être que je vais faire un genre de comptoir mur à mur ici, comme ça, je vais faire télé, ordi, je sais pas encore. Mais pour l'instant, je possédais déjà ce meuble-là depuis longtemps. Ceux qui venaient faire le party sur Moreau il y a 5 ans, c'est le même meuble. Puis ça, ben, c'est de la merde IKEA, là. D'ailleurs, j'ai vraiment peur que ça s'écroule parce que la télé est vraiment pesante. Fait qu'en attendant, c'est ça qui est ça. Puis on verra plus tard, mais je peux déjà jouer à des consoles, donc je suis bien content. Et puis, ben mon petit coin bureau. Ça, c'est tout mon tas de meubles Nintendo qu'il faut que je répare puis que je setup. Et puis, ben voilà, donc je m'amuse dans les branchements, tout ça. Fait que ça ressemble un peu à ça pour l'instant. Donc ça va se passer ici. C'est ici que je travaille, c'est ici que je vais passer ma vie professionnelle quand je vais être à la maison. Chambre de mon fils, salle de bain, autre chambre que ma blonde va utiliser pour ses projets et tout et tout. Et puis, salle mécanique là-bas. Chambre de mon fils plus vieux. Regardez, j'aime ça comme... comme est-ce qu'on a mis juste son matelas à terre, comme si on l'avait enlevé. Mais non, il est pas là, il habite pas là encore. Là. Il habite pas là-dedans. Il faut juste qu'on... qu'on y trouve une base de lit. Fait que voilà. Alors, on va retourner la caméra et puis je vais commencer à parler de ce projet-là. Alors voilà, mes chers amis, me voici maintenant installé confortablement en plein milieu d'une grande pièce vide. Mais bon, au moins, il y a mes jeux en arrière. Là. Oh, c'est le fun, ça me sort de la tête comme ça. C'est très blanc en bas. Il va y avoir d'autres choses éventuellement, j'imagine. Peut-être que je vais faire des petites tablettes là, comme profondeur de jeux de DS là, pour mettre tous mes jeux portables, des affaires. Là. Je sais pas encore. Peut-être qu'il va y avoir un sofa à côté là éventuellement, puis je vais être comme évaché dedans. On va voir. Mais pour tout de suite, c'est ça. Là, je sais pas combien de temps je veux parler, mais j'ai pas dressé de plan. Je vais juste y aller chronologiquement avec ma tête et puis vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à tout ça. Alors, je vais commencer très loin, en fait, en disant que je suis né dans une famille je suis né dans une bonne famille. Et puis, on n'a jamais manqué de rien, bien sûr, quand j'étais jeune. On ne vivait pas dans un château en Beauce, mais mon père était dans la SQ, ma mère travaillait. On était bien correct, on avait tout ce qu'on voulait, là, moi puis ma sœur. Et puis, on n'a pas... T'sais, on n'était pas des millionnaires, mais on n'a jamais manqué de rien. On avait même un super écran, tu sais. Hein? On n'a jamais beaucoup voyagé, du moins pas loin, mais ça, je pense que c'est plus par... parce que mes parents aimaient mieux comme retourner chillos aux places où est-ce qu'ils allaient. Tu sais, ils aimaient une routine, là, tu sais, c'était pas par manque de fond. Fait que c'est ça. Et puis, j'ai quitté cette délicieuse Beauce dans laquelle j'ai vécu des moments le fun et puis beaucoup de moments très désagréables aussi vers la fin. Beaucoup d'intimidation, là, sérieux. Et puis, je restais un peu amer de beaucoup de choses, la Beauce. Fait que, c'est ça. Moi, je suis parti de là dès que j'ai pu. Donc, j'ai quitté la Beauce à 17 ans pour aller faire un DEC en graphisme au collège de Sherbrooke. Donc, moi, je travaillais l'été. Là, je vous raconte tout ça, c'est juste pour mettre l'argent en perspective. Donc, je travaillais l'été dans les usines dès l'âge de 15 ans. J'amassais de l'argent comme ça. J'ai travaillé dans une usine d'emboufetage de morceaux de bois, genre, pour faire couper les morceaux de bois en morceaux pour enlever les nœuds ou pas ne pas enlever les nœuds et puis les rabouter ensemble. Donc, j'ai travaillé là-dedans. J'ai fait des maisons préfabriquées. J'ai fabriqué des caisses de son Bose. J'ai fabriqué des portes. Pas des portes, des fenêtres. J'ai fabriqué des fenêtres. J'ai fabriqué des portes de douche. J'ai fabriqué des douches aussi. J'ai travaillé sur des fermes. J'ai fait les foins. J'ai ramassé des roches. J'ai peinturé à bras au soleil qui me tapait dessus l'été. À peinture d'aluminium des toits et des toits de granges et de fermes. J'avais de la peinture chrome jusqu'ici. J'avais de l'air d'avoir des bras en métal. J'ai travaillé fort, sérieux, j'ai toujours été très travaillant. Et puis j'ai toujours pilé mon argent, et puis je me gâtais moi-même avec des choses que je désirais vraiment. Comme quand j'étais jeune, à un moment donné, je voulais vraiment un système de son qui coûtait très cher. Fait que mes parents en payaient un peu, moi je payais un peu avec l'argent que j'ai accumulé, ce genre d'affaires-là. Donc, quand j'étais au cégep, pour étudier, mais j'ai jamais travaillé pendant que j'étudiais. C'était tough quand même, il y avait beaucoup. Je faisais un DEC, donc il y avait comme beaucoup de matière avec le français, la philo, des affaires-là. Et puis, moi, c'était des projets, hein. C'était pas comme tant des examens, donc il fallait que le projet, tu peux toujours le retravailler, donc ça me prenait beaucoup de temps. Alors, je retournais en Beauce l'été chez mes parents, chez nous, pour travailler dans les usines. Et puis, à chaque été, je faisais un chunk d'argent, j'allais aux études avec ça. Et puis, vers la fin, des fois, ça s'en venait serré un peu, fait que mes parents, ils m'aidaient. Et puis, ensuite, j'ai terminé mon DEC en 3 ans, comme prévu, et puis j'ai décidé de continuer mes études en design graphique à l'UQAM. Donc, j'ai continué de faire la même chose, retournant en Beauce travailler dans les shops l'été, et puis... mes parents ils m'aidaient à combler quand je manquais vers la fin. Fait que, mais je faisais très attention à mon argent. J'ai pas, ouais, je buvais de la bière, je faisais le party là, mais tu sais, je m'achetais pas de linge. C'est pour ça que je restais dans le rétro aussi dans les jeux vidéo. Tu sais, les nouvelles consoles sortaient, je les achetais pas. Tu sais, j'avais pas les moyens. Là. Donc j'ai tout le temps fait bien attention. Et puis, j'ai fait mon DEC en 3 ans, design graphique, et puis j'avais une dette d'à peu près 12 000 d'études. Et puis, ce qui est quand même correct, là, mais tu sais, c'est parce que ça coûte cher, là. Moi, l'épicerie, l'appartement, et puis toutes les dépenses relatives à ça, les frais de cours, tout, j'ai commencé à payer ça tout de suite à 17 ans, tu sais. Alors, le cégep, ça coûtait moins cher quand même que l'université. Fait que mes parents m'ont couvert, j'avais pas vraiment de dette. Là. En fait, j'avais pas de dette en sortant du cégep. J'avais pas droit aux bourses, j'avais droit à des prêts. Et puis, c'est ça. Donc, mais j'avais un bon 12 000 de dette là, en sortant de l'université. Parce qu'à Montréal, ça coûte cher aussi, la vie, là, on s'entend. À chaque fois que tu sors dehors ici, ça coûte de quoi, tu sais. C'est ça qui est. Je trouve ça tough des fois de la ville. Donc, j'ai commencé à moins 12 000. Et puis, j'avais une job en sortant là, dans une petite agence. Puis, je commençais au salaire minimum, qui était dans ce temps-là 11 ou 12 piastres de l'heure, je ne me rappelle pas trop. Mais tout de suite en sortant, je faisais des virements automatiques. Et puis, ça, mes petits amis, les virements automatiques, c'est la vie. Faut que tu fasses des virements automatiques. J'avais pas d'argent, j'étais à moins 12 000, mais j'ai commencé tout de suite en sortant de l'école à mettre de l'argent dans un REER. Donc, que ce soit 20$ par mois, je me rappelle plus combien je mettais. À chaque mois, il y avait un petit montant qui s'en allait de mon compte chèque courant, puis qui allait en REER. Donc, j'ai fait ça pratiquement toute ma vie. C'est comme ça que je le fais encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour des CELI et des placements. Puis, c'est comme ça dans la vie qu'on réussit à piler de l'argent, tu sais, parce que, en tout cas, moi, j'attends pas d'avoir de l'argent dans les poches avant d'en mettre en épargne, tu sais, parce que ça vient, ça part, l'argent, des fois t'es over, des fois t'es en dessous. Puis quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, ma mère m'a aidé en me backant, dans le fond, à avoir une marge de crédit de 13 000 $. Ainsi, quand j'avais plus d'argent dans mon compte, et ça arrivait souvent, ben je coulais dans ma marge. Donc ça m'a aidé pendant mes études, ça m'aide encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'utilise ma marge de crédit comme au moment où je vous parle, je suis à peu près à moins 7000 pièces sur 13000 dans ma marge de crédit. Et puis mais bon, là j'attends de l'argent de ci, de ça, fait que ça va remonter. Mais la vie étant ce qu'elle est pour un travailleur autonome et gars qui a pas comme une job steady qui tire ses revenus un peu partout, j'ai besoin d'une flexibilité là. Donc la marge de crédit m'a beaucoup aidé et ainsi m'a permis d'être assez flexible pour mettre l'argent de côté. Et là, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que je veux juste vous montrer que j'étais un artiste, designer, graphique qui travaillait au salaire minimum, qui a travaillé un an dans une place. Ensuite, j'ai changé, je travaillais dans un bureau d'architecte, j'ai eu la même job. J'ai perdu ma première job. La deuxième job aussi, je travaillais un an là, je l'ai perdu, manquais d'ouvrage. Là, je suis rentré chez Juste pour rire, où est-ce que j'ai fait un petit peu plus d'argent qu'avant. Très peu quand même. Salaire de 30 000, je pense. Et puis ensuite, j'ai quitté Juste pour rire parce que c'était devenu épouvantable de travailler là. Et puis j'ai monté à 45 000 dans le fond. Puis là, on parle de plusieurs années. Pendant ce temps-là, j'étais toujours en appart et j'ai eu mon premier enfant en 2008. Et puis, c'est à ce moment-là que quand j'ai eu mon premier enfant en 2008 puis que je travaillais dans une petite agence où est-ce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, P2P, Proximité Marketing, c'était vraiment des beaux moments, ça. J'ai commencé à recevoir des contrats d'un client et puis il m'en donnait tellement que là, au début, je suis comme « Hey, je vais travailler à temps plein, avoir un nouveau-né, faire mes contrats de graphisme. » Là, je voulais mourir, bien sûr, donc il fallait que je coupe quelque part. Et puis, j'ai décidé de sauter dans le vide. Et puis, je me suis dit, ce client-là, s'il continue à me feeder, ben ça va être parfait, tu sais. Ah, j'ai oublié de mentionner aussi, pendant que je travaillais dans cette agence-là, tu sais, tout le temps, en même temps que j'étais employé, quand j'avais des petits contrats sur le site qui rentraient, je les faisais. Puis, je continuais de payer ma dette d'études avec ça. Donc, j'ai clairé ma dette d'études en 2008, soit 5 ans après ma sortie de l'université, tout le temps en mettant un petit peu avec des virements automatiques. Et pendant ce temps-là, je mettais tout le temps un petit peu d'argent dans des REER aussi. Donc, on est en 2008. Et puis, ainsi, j'ai commencé à travailler en tant que travailleur autonome. Et puis, la paye était pas mal la même, donc ça roule. Et puis, en 2011, là, on était en appartement, moi, ma blonde et mon fils de 2 ans. Et puis, on s'est dit, est-ce que on a un autre enfant dans cet appartement-ci où on achète une maison. Et puis, on s'est dit qu'on allait regarder pour acheter une maison. Là, dans ces années-là, c'est tout le temps relatif. Une maison, c'est toujours cher. Fait que nous autres, on était en appartement, pas tant d'argent de côté. Bien, en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à vouloir checker les maisons, que moi, avec mes petits virements automatiques minables que j'ai fait à tous les mois de 2003 à 2011, on était à 2011 rendu là, crime. J'avais genre 35 000 $ de côté. Puis je m'en suis jamais rendu compte. Là. Je regardais un peu, là, mais j'étais pas comme, ben yeah, j'ai de l'argent. J'étais comme, faut mettre de l'argent dans un REER, c'est important. Fait que c'est comme une bulle qui a grossi à côté. Donc là, j'avais de la flexibilité. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important l'épargne, tu sais. S'il y a des jeunes qui m'écoutent à la maison, mettez de l'argent de côté immédiatement. Ça fluctue. T'es pas obligé de mettre ça risqué, ça fluctue tranquillement, tu t'en rends pas compte. Tu grossis ton bonne laine, puis soudainement, t'as de l'argent. Parce qu'on a trouvé une maison, une belle petite maison du quartier Centre-Sud, et puis fallait faire un cash down si on voulait l'acheter. Et puis, je l'avais. J'ai pu rapper 25 000 $ qui était le maximum. Et puis, ma blonde de son bord, elle a rappé une couple de 1 000 aussi. Fait qu'on a pu s'acheter notre première propriété. On a accédé à une propriété. Et puis, là, bien sûr, on était nerveux. Comme, ah, fuck, les taxes municipales, les rénaux, les ci, les ça. Dans la vie, quand tu veux aller plus loin, tu peux toujours te mettre des barrières dans la tête de ci pis de ça. Ah, on va ouvrir un bar. Ah, ça, OK, il va y avoir ça, il va y avoir ça. On va ouvrir un magasin. Ah, ça, ça. Tu sais, si tu pars de même, tu feras rien. Donc, pars pas comme ça. Sois au courant qu'il y a des affaires qui arrivent. Mais en même temps, laisse pas ces affaires-là comme miner ton enthousiasme. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et puis, la première année, on est resté bien relax. C'était brun, c'était laid, là, cette maison-là. Là, on va vous donner des chiffres aussi. C'est une maison qui était... qu'on n'avait pas remarqué sur le marché parce qu'on ne magasinait pas, mais elle a commencé à 330 000 dans ce temps-là. Et puis là, quand on a commencé à magasiner, on a vu cette maison-là. Là, elle était rendue à 300 000. Fait que, puis c'était une maison unifamiliale, trois chambres sur deux étages, trois chambres au deuxième étage avec un rez-de-chaussée, puis le sous-sol, c'était un genre de cave de service, mais quand même assez profonde, qu'on pouvait descendre dedans puis entreposer genre des pneus puis des gogos, tu sais, mais il n'y avait pas d'entrée extérieure. Donc, une belle petite maison avec un beau terrain en arrière. Cette chose-là avait du potentiel. Puis moi, j'y ai cru la seconde que je l'ai vue puis qu'on a visité. Puis quand on est rentré là-dedans, les gens qui habitaient là, c'était deux gros fumeurs. Tu rentres là, c'était... Le souffle te coupait. T'avais l'impression que tu pouvais te tailler des blocs de boucan dans la maison, tu sais. Puis on visitait ça avec notre enfant. Notre petit enfant de 2 ans et demi, tu sais, qui trottait dans la maison, qui respirait à boucan puis les chats. C'était dégueulasse là-dedans. Mais il y a du monde qui regarde ça et qui se dit « Je vivrai jamais ici. » Puis il y a du monde qui voit du potentiel. Puis moi, je vois les potentiels. Et puis, j'y croyais vraiment à cette maison-là. Et puis là, c'était 300 000. Puis là, j'ai vraiment low-ballé. Et puis, on a starté à 250, je pense. Fait que là, l'agent, il était vraiment pas content. Il fait l'offre à ses clients pareil. Puis là, bien sûr, ça n'a pas marché. On contre-offre à genre juste 5 000 de plus. On s'obstine. Puis là, le gars, l'agent, il m'a dit quelque chose. J'ai le courriel encore, je m'en souviens toujours. Là, il m'a dit... Écoute, si tu cherches des maisons à ce prix-là, si tu veux, là, va à Laval là, ou dans le Nord. Tu sais, comme, il me traitait de pauvre, genre. C'est ça qu'il faisait. Il est comme, OK, le jeune, t'as pas d'argent, là, tu veux mâcher plus gros là, que t'es capable. Là. Fait que, va-t'en à Laval, là, tu sais. Ça m'a mis en tabarnak. J'ai répondu au gars, ta maison, je peux l'acheter 300 000 immédiatement si ça me tente, mais c'est pas ça que ça vaut. Fait que, that's it, bye, tu sais. Et puis, on a tranquillement, ben, on a passé à autre chose. On n'allait pas s'entendre, puis nous autres, on voulait payer maximum 2,70 pour cette maison-là, puis eux autres, ils voulaient pas baisser en bas de 2,90. Fait que, fuck it, on a continué de visiter, et puis, on trouvait rien, tu sais. Puis une couple de semaines plus tard, il y avait déjà des offres, il y a eu des offres sur cette maison-là. Puis la maison, on a arrêté de la checker. Puis une couple de semaines plus tard, on re-regarde, hein, la maison est encore là, ils l'ont pas achetée, c'est quoi? Puis il y a un acheteur qui a pas passé au crédit, l'autre c'était n'importe quoi, là, tu sais, comme, je vais acheter, je vais mettre une terrasse sur le toit, un hurluberlu. Alors, la maison est encore sur le marché. J'envoie un petit courriel au courtier mange-marde. Je dis, salut, la maison est-elle encore disponible? Oui. Alors, moi, je dis, bon, ben regarde, on va faire ça simple. Nous, on est prêt à mettre 2,70 maximum right now. Fait que, that's it. Fait que là, ce que je savais aussi, c'est que les résidents de cette maison-là, il y avait une terre d'aérable, genre en campagne. Puis là, c'était le printemps. Puis ils avaient bien hâte de sacrer leur camp pour aller vivre à leur maison et terre d'érable qu'ils avaient en campagne. Ils étaient écœurés de la ville. Fait que ça faisait longtemps que leur maison était sur le marché, là. Puis les offres n'avaient pas marché, puis tout. Fait que là, je savais que ça les titillait. Fait que là, il me revient, il dit, 2,75, puis c'est à vous autres. Là, je comme, check, 2,70, ciao, bye. Là, silence radio. Ça, c'était le matin. Le soir, on chill. Moi, ma blonde est comme, on pense à rien de ça. Puis on reçoit email. OK, c'est bon, ils ont accepté 2,70. Tiens, mon esti. On l'a. Donc, on a acheté cette maison-là à 270 000 $. juste pour en finir avec ça, quand on est allé faire les papiers et tout, ce n'est pas ce courtier-là qui est venu, c'est plutôt sa collègue. Parce qu'il y avait tellement de tension. Je voulais pas le revoir, ce gars-là, puis je pense pas qu'il voulait nous revoir non plus. Donc, dans ma tête, c'était un très bon deal. Et puis, on est arrivé là en 2011. N'oubliez pas, pendant ce temps-là, je continue à mettre de l'argent de côté avec des virements automatiques. Et je continue à avoir une paye d'environ 50 000 ce qui est pas mal mon range. C'est ça ma paye, 50 000 à peu près. Et puis, ouais, en fait, on a eu notre deuxième enfant dans cette maison-là. On a grandi, on a été heureux. Il y en a qui ont vu l'émission Manon, ma cuisine et moi, les cuisines les plus laides du Québec. Ma blonde nous a inscrites à ça, cette émission-là, et on a été retenus. Alors, Manon Leblanc et son équipe sont venus refaire notre cuisine au grand complet, gratuitement. La seule chose qu'on a eu besoin de payer, c'est le container qu'il fallait garder en avant de la maison. C'est comme une place de stationnement, dans le fond, qu'il fallait payer à la ville. Et puis, pendant ces deux semaines-là, on est allé vivre chez mes parents à Saint-Hubert. Alors, c'est ça. Puis, je veux juste parler aussi, tant qu'à raconter des choses, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Mon plan Rona. Il y a eu deux saisons de ça. Ma blonde a nous inscrit à plein d'affaires. Puis, mon plan Rona, pour la deuxième saison, on s'est vraiment rendu en semi-finale. On a travaillé fort dans le temps des fêtes. Ça, c'est comme, ils rénovent ta maison au complet. Faut que tu présentes un gros projet. Fait qu'on a fait des plans, des calculs, magasinés. On a mis des prix, des budgets, des ci, des ça. On est allé présenter devant les entrepreneurs. Puis, c'était Gino Chouinard, l'animateur, avec Gino, tout ça, au 10-30, avec les autres en finale. Puis, fuck, on n'a pas passé. Ça, c'était... si on avait fait ça, ça aurait été vraiment huge. De l'autre côté, quand j'y repense aujourd'hui, c'est vrai que nos plans n'étaient pas assez huge par rapport aux plans qui ont été choisis dans la saison 2. Mais la saison 2 était plate, anyway. Ça aurait été le fun avec nous autres. Donc, ça n'a pas passé. Mais Manon Leblanc, ça c'est arrivé quelques mois après. Donc, je vois ça comme un signe, tu sais. Alors, Manon Leblanc a rénové gratuitement notre cuisine. Ça coûte cher. Là. Puis elle a changé tous nos électros et tout. Donc, on va dire un 30 000. Moi-même, j'ai fait mettre de la tourbe, là on parle au cours des années, sur le terrain. J'ai fait rénover la pièce en arrière. Je vais vous mettre sur ma page Facebook, Papa Cassette, éventuellement, la pièce arrière où est-ce que j'avais mon bureau et ma collection. C'était très brun, des arches partout. Après ça, j'ai fait rénover cette pièce-là. Et puis, on a changé des bouts de plancher, on a refait le toit. Tu sais, on n'a pas investi en fou. On n'a pas comme... Au total, là, en tout et partout, si on compte le 25 000 de cuisine que Manon Leblanc a mis, on aurait fait les deux salles de bain comme un an avant de partir aussi parce qu'il était vraiment en lettre. Je voyais ça comme un investissement pour partir. Je pense que 50 000 a été mis dans cette maison-là à peu près. Là. Puis là-dessus, il y a deux salles de bain, une cuisine, puis un terrassement, puis le toit. Fait que ça a été pas trop pire là, au niveau des investissements. Donc, on est arrivé là en 2011, et puis en 2000... on est parti quand, non? On est en quelle année? On est parti en 2018. Fait qu'on a, on est resté 7 ans dans cette maison-là. Et puis, on a été très heureux. Le quartier, un peu rough. On n'avait pas d'amis vraiment proches dans ce quartier-là, genre un ou deux couples. Mon fils plus vieux avait allé à l'école du coin, mais il s'est pas forgé de grande amitié, tu sais. Il joue au hockey et tout, mais somme toute, on était pas mal loner dans notre maison quand même. Puis là, on s'est dit, la prochaine étape dans cette maison aussi, ça serait de faire un sous-sol ou faire une affaire de fou. Mais là, était arrivé au bout de la valeur que tu peux mettre, tu sais. Si tu habites dans un quartier moyen et tu fais bâtir une maison à 1 million, c'est overkill. Il n'y a personne qui va te racheter ta maison si tu veux la revendre. C'est trop investir au mauvais endroit, disons. Fait que là, je trouvais qu'on était à côté pas mal. La maison était belle, on réparait tous les problèmes, puis on n'avait plus de projet. Par ailleurs, moi, étant encore un pauvre travailleur autonome à 50 000 par année, on avait déjà ouvert Arcade Montréal en 2016 à ce moment-là. Ça faisait 2 ans, donc c'était ouvert. J'avais des dividendes d'Arcade Montréal, j'avais ma paye stédée. Et puis, là, je me suis dit, ouais, mais il me semble que ça serait bien d'avoir un gros projet pour notre retraite, t'sais. Puis, ma blonde a été d'accord avec ça. Fait qu'on s'est dit, on va vendre notre petite maison et puis on va magasiner les Plex à Montréal. Comme ça, ça va nous faire une retraite, un immeuble, on va avoir des loyers et puis un jour, cet immeuble-là va être payé. Les loyers vont venir direct dans nos poches. On peut s'en aller de là si c'est trop grand. On va le louer à grandeur, puis on va vivre dans une petite place où est-ce que on va être bien, moi, ma blonde, quand les enfants vont avoir quitté la maison. Si les enfants veulent habiter en haut alors qu'ils vont aux études, tu sais, comme, ben là, quoi que c'est rendu vraiment grand ici. Bref, tout se peut, tu sais. Donc, on a décidé de faire le saut. Alors, là, comme des noobs, on s'est dit, on va magasiner les maisons, on va magasiner les plex. On est parti magasiner ça, et puis on faisait des visites, et puis on a fait deux offres d'achat conditionnelles à la vente de notre maison. Et puis, on s'est bien rendu compte très rapidement qu'on faisait rire de nous autres pas mal avec nos offres conditionnelles à la vente de notre maison, t'sais. Ça se fait pas à Montréal, ça. Ça, c'est que genre, « Hey, ton plex, je te l'achète, mais je vais avoir l'argent juste quand je vais vendre ma maison. Fait que, peux-tu attendre, tu sais, ça s'en vient. » Les vendeurs, ils veulent rien savoir de ça. Parce qu'à Montréal, le marché, il est extrêmement agressif. Hyper agressif. Fait que là, on avait un problème. On pouvait pas magasiner parce qu'on pouvait pas faire d'offres. Parce qu'on avait notre maison à vendre. Donc là, on a checké avec la banque, c'était compliqué, si on était capable d'avoir les deux hypothèques, de payer deux hypothèques en même temps, ou est-ce qu'on vend la maison en premier, puis quand on a l'argent, il y a une question de timing, tu sais, tu vends à un certain moment, puis tu quittes à un certain moment. Donc là, est-ce que, où on vend, on quitte, on entrepose, puis on essaye de trouver plus tard. Donc c'était compliqué. Puis aussi, n'oubliez pas qu'on a deux enfants. Mon plus vieux est en quatrième année. Et puis, mon plus jeune allait commencer la maternelle. Donc, là, on veut pas comme... C'était le moment, là. Parce que si on déménage pas tout de suite, là, mon plus vieux, il va aller dans une nouvelle école pour un an. Après ça, il va aller au secondaire. C'est beaucoup de chamboulage pour pas grand-chose. Le plus jeune va commencer la maternelle à une place, puis après ça, on va s'en aller, tu sais, comme... C'était... Plus tard était trop tard. Donc, fallait faire ça maintenant. Donc, la première étape, c'était de mettre notre maison en vente. Donc, on l'a mis en vente. On a regardé ça avec notre courtier, qui est mon bon ami Maxime Desjardins, guitariste du band Sudden Wave, allez voir ça. Et puis, on a évalué la maison avec les comparatifs. Et puis, on a affiché ça à 495 000 $. N'oubliez pas qu'on l'a payé 270 000. Et n'oubliez pas que pendant ce temps-là, j'ai des virements automatiques dans mes rien. Et puis, on va s'essayer avec ça. Pendant ce temps-là, on surveille les autres places. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, on a fait des visites libres de chez nous. On est parti. Là, c'était un dimanche. Max est sur place. Il reçoit du monde. Check notre maison, et puis il y a eu une dizaine de personnes qui sont passées. Les visites libres, ça, il y en a tout le temps. Au printemps, là, visite libre à grandeur de la ville. C'est que ça. Donc là, on était bien fébriles. Nous autres, on est partis prendre un café. On est partis pour 3-4 heures là, avec les enfants. Puis là, on attendait des nouvelles de Max, puis tout. Puis bon, là, les visites sont finies. On retourne à la maison. Puis, y a-tu du monde intéressé? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait de l'intérêt. Finalement, personne n'a vraiment redonné de nouvelles. Sauf un couple, deux hommes qui étaient intéressés peut-être à notre maison, qui allaient peut-être nous donner des nouvelles. Fait qu'on va voir à ça. OK, on laisse ça passer. Pendant ce temps-là, nous autres, on continue de magasiner les plex en ligne, voir s'il y en a des intéressants. Mais en même temps, qu'est-ce que ça donne de magasiner ça? Si on n'arrive pas à vendre notre maison, on n'a pas l'argent, tu sais. Fait que fuck it. Et puis, finalement, on reçoit des nouvelles du couple. Fait que là, ils nous faisaient une belle offre lowball à 430 000. Parce qu'eux autres, ils avaient comme plan de tout défaire à la maison, de refaire les divisions, tout ça allait coûter cher. Là, je suis comme, fuck you, man. La maison, elle marche comme ça. Si toi, t'as des plans de tout démolir ici, c'est pas parce que la maison est pas fonctionnelle, puis c'est pas parce qu'elle vaut moins, tu sais. La maison, elle vaut ça. Du moins, on le pense. Fait que là, ben, ça a pas marché. Là, on avait vraiment la tête dans le cul, moi et ma blonde, et puis, comme, ça marchera pas, là, tu sais. Des semaines ont passé, on a pas manqué, mais on a pas de... il n'y avait pas d'intérêt, tu sais, ça faisait un bon mois que c'était super tranquille la vente, là. Est-ce qu'on affiche trop cher, tu sais, il y avait de l'intérêt parce que la maison était super belle, notre maison, et puis bien entretenue, puis c'était cool. Mais c'est ça, pendant ce temps-là, on est allé quand même visiter des plex tranquillement. Et puis, on les voyait se faire vendre. On n'a pas fait d'offres. Et puis, il y en a un sur Delorimier. Il y a de la surenchère hein, sur les plex aussi. Là. Dites-vous ça. Là. Si un plex est affiché à 500 000 puis que c'est un bon deal, il va avoir de la surenchère. Fait que toi, si tu fais une offre d'achat, puis on sait qu'il va y avoir, mettons, quatre autres offres d'achat qui vont rentrer cette journée-là, fais-en pas une à 480, hein. Fais-en une à 530 là, si tu veux l'avoir au moins. Fait que tout ce qui est affiché, ça revient plus cher. Et puis, il y en a un sur Delorimier, on n'a pas fait d'offre, là. Ou on a-tu fait? Non, on n'a pas fait. Mais on l'a regardé par après, puis ça l'a fini 100 000 $ au-dessus du prix demandé. Est-ce que ça valait pas ça? Mais c'était propre, mais ça valait tellement pas ça, là. Toutes les places qui se sont vendues over share, c'était incroyable, là. Tu sais, on se disait, mais, le budget, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait que là, on était vraiment dans le néant. Est-ce qu'on abandonne le projet, puis on reste dans notre maison, puis on rénove encore, puis on arrête de se casser la tête? Là, oubliez pas que pendant ce temps-là, on travaille à temps plein, on a des enfants, on a... Puis c'est super épuisant, ces affaires-là, de magasiner. Tu sais, t'amènes des petits-enfants avec toi magasiner, visiter des plex le dimanche, toute la journée. En même temps, le plus vieux, il a du hockey. Le plus jeune, il suit avec sa doudou puis son toutou en arrière. Puis il est mort de fatigue. On travaille, on check ça dans le jour. « Hey, il y a une opportunité. Hey, Max, tu peux-tu checker ça? » On était mort de fatigue. Puis le temps avançait, puis on s'en venait au printemps parce qu'on a commencé tout ça en janvier. Puis là, c'est comme, on laisse tout faire ça. Puis là, paf, un vendredi, deux personnes étaient intéressées à venir visiter notre maison. Deux couples. Et puis, moi, j'étais pas là, ma blonde non plus. Fait que on a laissé les visites se faire. Et puis, le matin, c'était un couple, c'est ça, avec un petit enfant. Puis là, au dire de Max, il était très intéressé par la maison. Puis le soir, un autre couple est venu visiter. Là, on était là. Un couple qui venait plus de l'ouest de l'île, comme des anglophones. Ce qui est bizarre, parce qu'on était comme centre-sud, limite Hochelaga. Pas vraiment le coin où est-ce que des anglophones de l'ouest viennent s'installer. Mais en tout cas, ils étaient intéressés. Alors, deux offres d'achat allaient être déposées. Chacun voulait en faire. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'ils se battent eux autres. Fait que là, ils vont s'enchérir eux-mêmes. T'sais. Il n'y en avait pas 10, mais il y en avait 2. Fait que quand tu sais qu'il y a une offre contre toi, tu bonifies ton offre, tu sais. Alors, les deux ont bonifié leurs offres. Et puis, non. Les premiers, les anglophones, ils ont fait une offre à 480. Là, on est comme, yeah, man, ça, c'est bon. Puis les autres, ils ont fait une offre. Alors, les anglophones qu'on n'a pas vus, alors les anglophones, ils ont le droit d'être avertis que les autres vont déposer une offre aussi. Ils ont le droit de bonifier leur offre. Fait que là, ils ont bonifié leur offre à 490 finalement. Puis là, on reçoit l'offre de l'autre couple, puis ils nous offraient 515. Là, c'est comme 20 000 au-dessus du prix qu'on demandait. Ils voulaient vraiment notre maison. Là, nous autres, on capote. C'est comme, gars, tu sais, all right, on a l'argent, on peut faire de quoi. Fait qu'on accepte leur offre, on dit merci aux anglophones, et puis là, commence les folies, commence l'inspection. Donc, ça prend des semaines. Là, je parle de ça une affaire après l'autre, mais tout ça, c'est long. Là. Il faut passer au crédit, il faut l'inspection, puis après ça, c'est fait. Il faut aller notaire, puis tout ça, c'est long. Puis là, on travaille, puis on est fatigué à travers tout ça. Et pendant ce temps-là, je mets de l'argent de côté dans mes rien. Et puis, tout ça se passe. Arrive l'inspection. Là, ils font le tour, puis là, ils voient un petit problème dans le garde-robe. Il y a déjà eu de l'eau qui a coulé. Là, le mur extérieur, on était détaché d'un côté. Ils commencent à gondoler un peu. Là, ça va être à changer éventuellement. Là, ils vont dans le sous-sol. Puis notre sous-sol, c'est un sous-sol de pierre empilée. C'est un sous-sol ancestral. La maison, elle avait été construite en 1900... avant 1910, là, genre. Fait que étrangement, c'est hyper solide, ces fondations-là. La maison était drette. Depuis toutes ces années-là, la maison n'a jamais bougé. Les planchers, quand nous, on l'a fait inspecter en 2011, les planchers étaient droits. Et puis, elle n'a jamais bougé. Mais ils ont vraiment pogné la chienne de ce sous-sol-là parce que c'était archaïque et c'était vieux. Et puis, il y avait plein de petites gogosses. Fait que finalement, ils sont partis. Deux jours après, on reçoit un appel. Ils se retirent. Ils veulent plus la maison. Non, on capotait. Tu sais, ils se sont comme fait... L'inspecteur leur a vraiment fait peur. Elle était bien correcte, notre maison. Là. Puis oui, toutes les maisons, quand tu achètes, pas juste la nôtre, peu importe ce que tu achètes, tu vas avoir des rénos à faire, tu vas avoir des bugs à régler. Ici, on en a eu plein. On en a eu plein quand on a acheté notre première maison. Il y a tout le temps ça. Puis ils ont vraiment pogné la chienne. Ils partaient d'un petit condo, eux autres, là, tout fabriqué, tout neuf, tu sais. Puis là, notre maison, oui, elle est belle, mais Chris, la maison, ça demande de l'entretien, tu sais. Puis tout est pas mal à jour, mais il y a encore des choses à faire. Fait que, ils ont eu peur, fait que là, paf, on n'a plus l'argent. Mais là, on a rappelé les Anglais. Salut, ça vous intéresserait-tu encore? On était vraiment déçus. Mais les Anglais étaient encore intéressés, puis encore plus parce que là, ils étaient vraiment coincés dans le temps, eux autres. Il fallait qu'ils fassent un move. Donc, on a leur a fait une offre qui était exactement notre prix demandé, 495. Eux autres nous ont demandé 485, là, je pense. On a retorqué à 490, puis on a fermé ça là. On s'est entendu. Donc, on a vendu notre maison de 270 000. 490 000 $ en 7 ans. Donc, quand on est passé chez le notaire, j'avais un chèque dans mes mains de profit de plus de 200 000 $ Donc, ça vaut beaucoup, beaucoup la peine de voir le potentiel d'une place et de s'y investir. J'avais jamais eu autant d'argent que ça de toute ma vie, tu sais. Là, ça, c'est drôle, tu sais. Tu vas à la caisse, tu déposes ton chèque. Là, la madame apprend ça. Dans quel compte? Ah, dans le compte conjoint. Là, tu regardes ton compte conjoint. Ouais. 250 000 piastres, c'est donc bien merveilleux, ça. Donc, on aurait pu partir sa brosse, mais on est resté tranquille et puis on avait maintenant notre argent. Et aussi, pendant tout ce temps-là, on a visité plein de plex. Puis il y en a un qu'on a vu puis qu'on a vraiment capoté, tombé en amour avec. Il était extrêmement cher, par exemple. Il était 804 000 $ Et puis ça, c'était comme à ce prix-là, si on s'achète ça avec les revenus qu'on a, en faisant un cash down important, il va nous rester peu ou pas de buffer pour whatever problème qui peut survenir. Donc, il ne faut pas qu'il arrive de gros problèmes. Et puis là, il ne faut pas que tu oublies ta taxe de bienvenue. Les premières taxes, ça, c'était comme des milliers de dollars que tu calisses dans le feu, même tout de suite en arrivant. Donc, il faut penser à tout ça. Mais on l'aimait vraiment beaucoup. Fait qu'on a fait une offre. Lui aussi avait été sur le marché. Il était un peu trop cher. On a baissé un peu. Ils ont fini par accepter. On est comme, yeah! C'est magnifique ce plex. Non, on s'en va là, nous autres. Et puis, on l'a visité. On tripe. On check le sol. On trouve qu'il y a comme des cracks à des places dans la fondation. L'extérieur, les joints entre les briques commençaient à disloquer, tu sais, même s'ils venaient d'être faits. Donc ça, c'était louche un peu. Fait que là, on leur a demandé, est-ce qu'on peut faire une évaluation plus approfondie, mais avec un ingénieur pour la structure seulement, tu sais. Puis là, quand on fait ça, si jamais on trouve des bébites, les bébites, ils vont dans le rapport de vente de la maison. Donc, si on se retire puis on trouve des bébites, ben là, dans la fiche de la maison, les bébites sont là, tu sais. Donc, toutes les mardes que tu trouves, s'il y a des problèmes, faut que ça s'ajoute là. Alors, mais eux autres, ils étaient confiants. Puis, tu sais, nous autres, on ne savait pas des piégés. Là. On dit, écoutez, on veut, mais en même temps, on peut pas l'acheter s'il y a des problèmes majeurs ici. Fait que, ils ont accepté. On est allé. Et puis, l'inspecteur a constaté que les fondations, les murs de fondation étaient complètement pourris. Puis qu'ils allaient être à refaire les quatre au cours des cinq prochaines années. Donc, ça, un mur de fondation, la maison est à côté sur un carré de mur de fondation. Et puis, c'est des immeubles à Montréal, donc c'est très vieux. Et le problème qu'il y avait là-bas, c'est que ça avait été isolé avec une polythène, de la laine minérale et puis un coupe-vapeur. Fait que dans le fond, tout ça a fait que la fondation, elle a suffoqué pendant... Ces rénaux-là avaient été faites il y a 20 ans, je sais pas quoi. Fait que la fondation a pourri puis suffoqué pendant 20 ans. Puis là, quand on a comme enlevé tout cet isolant-là, on voyait, là, on grattait les fondations avec nos mains. Là. Ça se défaisait. Là. L'inspecteur, il n'avait jamais rien vu de tel. Fait que là, on était vraiment down. Là, t'sais. On était, encore une fois, épuisés. Là, on a vendu notre maison. Il faut qu'on sacre notre camp. Puis là, on était supposé acheter cette maison-là pour que le timing soit parfait. Mais là, on peut plus aller là parce qu'on va pas acheter ça, tu sais. Ça demande 100 000 d'investissement dans 5 ans. On l'aura pas, cet argent-là. Au prix qui est, cet immeuble-là, on n'a plus de buffer. On met tout notre buffer dedans. Faut dire que les appartements, c'est un triplex, faut dire que les appartements en haut étaient top notch. Ils étaient vraiment, vraiment beaux. Ça, on n'avait rien à faire là-dedans pour toujours. Le rez-de-chaussée était bien correct. Fait que c'est pour ça qu'on l'a considéré. On n'avait rien à faire. Sauf, surprise, à faire 4 murs de fondation, tu sais. Là, fuck it, tu sais. Là, il y a affaire de baisser d'un 20 000 encore. J'ai comme, on peut pas, là, tu sais. C'est 100 000 là, qu'il faut mettre. Fait que, on est parti. On a remis nos têtes dans nos culs. Puis on est reparti de là en se disant, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, je vais prendre une autre gorgée d'eau. Yeah. Donc là, c'est ça, on arrive proche de l'été, là. Donc là, faut pas oublier qu'il faut inscrire nos enfants dans une nouvelle école, éventuellement. Faut se trouver un plan, parce que là, on va être dans la rue dans pas long, tu sais. Mais, on avait on avait de la flexibilité. Parce qu'un de mes amis a un condo dans Angus. Dans le fond, nous, on magasinait pas mal dans Rosemont, dans ce coin-là. Et puis dans Angus, il y a une garderie, puis c'est là que mon plus jeune allait. Et le condo de mon ami était à 15 secondes à pied, c'est comme pratiquement voisin de la garderie où est-ce qu'on allait. Fait que là, on a dit, écoute, Tom, c'est le nom de mon ami, est-ce que si on a besoin d'habiter quelque part entre deux, le temps qu'on trouve où est-ce qu'on va habiter, est-ce qu'on peut habiter chez vous, tu sais? Puis lui, ça donnait bien parce que là, il s'en allait, puis il y avait personne, mais il voulait le mettre à louer, mais il était prêt à nous laisser habiter là au besoin, tu sais. Fait que là, c'est comme, all right, OK. Fait qu'on s'entend avec lui, puis si jamais on a de besoin, on va aller vivre là. Puis là, étrangement, deux semaines, à peu près trois semaines après qu'on ait que ça ait tombé à l'eau avec l'autre plex, on trouve celui-ci. De même, il était comme affiché depuis longtemps, personne ne l'achetait. OK, on va aller le voir, ça traîne, ça, ce plex-là, puis le monde, puis ça a l'air pas pire, tu sais. Donc, on va visiter ça, c'était une belle journée ensoleillée. Il n'y avait plus de neige, là, je pense qu'on était rendu au mois de mai. Tu sais, comme quand il fait bon être dehors, là, tu sais. On visite ça. Là, il y avait du stock un peu partout, mais c'est comme, Colin, les plafonds sont hauts, c'est grand, tu sais. Ah ouais, il y avait comme un chien qui manquait un œil, c'était dégueulasse. Le chien, comme il rôdait autour de nos enfants, on était vraiment pas safe. Mais toujours est-il que la place était quand même vraiment grande. Et puis, là, il fallait le visiter rapidement, tu sais. Fait que j'appelle ma blonde, faut aller le visiter, on y va, viens-t'en. Faut visiter les apparts en haut de suite si on veut faire une offre, tu sais. Fait que là, ça pressait. Fait que, OK, on le visite, fait beau, là. Ah non, je vous raconte ça à l'envers. Fait qu'on le visite normalement, mais on peut pas visiter les apparts tout de suite. Parce que faut aviser les locataires. Et puis là, ben, c'était pas le moment. Mais le rez-de-chaussée, c'était cool. On descend au sous-sol, puis là, on avait été échaudé du dernier immeuble, tu sais. Là, on regarde comme il faut le sous-sol. Dans le fond, le carré de maison fait à peu près 1200-1300 pieds carrés. Au sous-sol, la moitié était creusée à 3 pieds du plafond. Donc, il y a un espace de 3 pieds entre le plafond et la terre. Puis de l'autre côté, c'était 6 pieds entre le plafond et une dalle de béton. Et puis, je me rappelle plus si j'ai déjà mis des photos de ça sur la page de Rétro Montréal, mais c'est là qu'on a, dans cette section-là, qui était très glauque, que j'ai commencé à faire le shipping, puis ici, pour les jeux qu'on vendait à l'extérieur et tout. Donc, je garde quand même des beaux souvenirs de ça. Mais bref, c'était trash en tabarnak. Et puis, la veuve sécheuse était en bas de l'autre côté, puis c'est ça. Mais on regarde les murs de fondation, puis maintenant, avec notre œil averti, on trouve que ça a du bon sens. Et puis, ça, c'était la fin de semaine. Il faisait beau. On était confiants. Tu sais, la température, ça aide aussi. C'est comme, ouais, on le feel, celui-là. On veut faire une offre. Il n'y a personne dessus. Fait qu'il était 500... Je me rappelle plus. Je pense qu'il était... Non, je me trompe. Il était, mettons qu'il était 620 000 $. 620 000, puis on était prêt à acheter quelque chose à 800 000, ça veut dire qu'il nous reste du buffer pas mal. Puis moi, dans le magasinage de ces plexes-là, comme j'ai dit dans mon post, mon but, c'était d'avoir un sous-sol. Or, ici, il n'y a pas de sous-sol. Mais vu qu'on a du buffer, on peut peut-être s'organiser de quoi puis faire creuser le sous-sol. Un petit projet, mais au moins, on va avoir ce qu'on veut à notre goût, tu sais. Donc, avec cette optique-là, on fait une offre d'achat. Et puis là, c'est vraiment des hosties. Dans le Remax, on faisait pas affaire, la maison était affichée Remax. Dans le fond, ici, le plex était affiché Remax. Et puis là, eux autres, ils ont reçu notre offre d'achat. Là, ils ont dit, OK, parfait, on reçoit votre offre d'achat. Mais nous aussi, on donne les nouvelles 2 jours plus tard. Puis là, au lieu de dire, OK, tout de suite, on accepte ou non, ils se donnent 2 jours. 2 jours pour quoi? 2 jours pour s'activer puis essayer de trouver d'autres acheteurs potentiels qui vont venir faire des offres d'achat puis de faire une surenchère. C'est ça qu'ils font. Je sais pas si vous connaissez Marc-Claude Sirard, que vous voyez sa face sur toutes les pancartes Remax du vieux Rosemont et plus, ben c'est elle. Fait qu'ils ont réussi. Fait que, mettons que c'était affiché à 620 000, nous autres, on était prêts à faire une offre à 610 parce qu'on savait que c'était sur le marché depuis un bout. Mais là, whoop, ils ont trouvé un autre acheteur, soudainement comme ça. Là, ils ont dit, on a un autre acheteur, est-ce que vous voulez bonifier votre offre? Là, c'est comme, ben oui, esti, on va bonifier notre offre, maudite. Fait que finalement, on a offert, je pense, 5 000 au-dessus du prix demandé. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que il était prêt à accepter notre offre. Si on était... Là, non, notre offre a été considérée et tout. Là, ils nous ont demandé, c'est intéressant, mais il faut que vous veniez visiter les logements tout de suite pour voir si ça vous convient. Là, on était le matin, moi j'étais à la maison, je travaille. J'appelle ma blonde, je dis, ben, viens-t'en, il faut aller visiter les appartements now pour que si on est prêt à aller de l'avant, on y aille, tu sais. Eux autres, ils exigent ça. Fait que là, on s'organise, all right, on visite les appartements. Les appartements, il y en a un des deux qui était ça pue. Ouais, ils sont pas si hot, mes appartements en haut. Mais les gens qui habitent là, ils habitent là depuis super longtemps. J'ai une petite madame très, très, très, très vieille. Donc, c'est ça. C'est pas loué trop peu cher, mais c'est pas loué cher non plus pour ceux qui ont. Surtout un côté qui est plus grand que l'autre, là. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là, fait qu'ils payent pas cher, c'est normal. D'ailleurs, quand vous magasinez les plex, ça, c'est important. Des fois, le prix est bon, mais quand c'est loué tellement pas cher, ça tue le deal parce que t'as besoin des revenus, des logements pour payer ton hypothèque, tu sais. Donc, il y a beaucoup de plex comme ça qu'on n'est même pas allé visiter parce que c'était loué trop bas, tu sais, qui n'ont jamais été augmentés. Fait que ça, c'est vraiment pas bon. Il faut augmenter les prix puis rester au prix du marché. Mais ici, c'était correct. Puis finalement, on visite ça, puis là, c'était crade un peu, mais en même temps, bon, on les rénovera un moment donné, là, puis c'est correct, on est prêt à faire l'offre. Là, on sort dehors, et puis là, les deux, le courtier, Remax, nous dit, écoutez, l'autre offre est un peu plus élevé que vous autres. Mais les vendeurs aimeraient beaucoup plus vous vendre à vous. Ils sont comme un bien meilleur feeling avec vous autres, là, tu sais. Donc, si vous êtes prêt à monter de 10 000, c'est à vous autres. Là, on est dehors, sur le trottoir, on check ça. Alors, moi, ma blonde est comme, Colin, man. Non seulement, tu sais, on était supposé faire une offre 10 000 de moins, puis là, comme, ils viennent nous chercher de l'argent, les hosties. Puis là, rendu là, on est comme, all right, on va mettre le 10 000 de plus. Puis, c'est comme ça que c'est arrivé, puis, ben, on l'a eu. Donc, là, la période qu'on pouvait rentrer dedans était plus tard. J'appelle mon ami Tom, je dis, Tom, faut que j'aille vivre dans ton condo pendant comme 2 mois, c'est-tu possible? Non, pendant 1 mois. Un moins qu'un. Fait qu'on a fait ça, on a appelé GoCube, on a fait entreposer tous nos meubles, sont partis avec tout le principal, toute ma collection de jeux en arrière était dans des boîtes, sont partis avec tout ça, puis on a entreposé ça. Puis quand on était prêt à emménager ici, on est venu. Et puis ils sont venus tous nous reporter notre shit. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que ça a été vraiment gigantesque, toute cette affaire d'immobilier-là. Puis là, ça fait longtemps que je parle, je vais essayer d'aller vite un peu, je pourrais en parler pendant longtemps. Ça, tu sais, ça a meublé ma vie pendant un méchant bout. Mais, ouais, puis l'excavation, ben c'est ça. Dans le fond, juste pour vous donner un titre de chiffre encore, on avait au-dessus de 100 000 qui nous restaient dans notre compte pour des projets ici. Puis quand on a acheté l'immeuble ici, on a acheté avec une marge hypothécaire de 100 000 de plus. Donc, l'immeuble coûte 650 000, mettons que ça a fini. Bien, c'est comme si on achetait un immeuble à 750 000, puis on payait une hypothèque en conséquence. Mais quand on allait être prêt à excaver le sous-sol, puis on voulait le faire rapidement, la caisse va... on fait affaire avec Desjardins. Quand on avait besoin d'argent, on appelle la caisse, il dit « donne-nous l'argent » jusqu'à un total de 100 000. Donc, quand le contracteur est venu ici et qu'il a commencé à creuser, à un moment donné, ils disent « bon, ben ça me prend 30 000 en commençant. » All right, besoin de 30 000, on reçoit l'argent, donne ça à l'eau, jusqu'à 100 000. Puis là, on s'est dit « avec 100 000, on va faire tout le sous-sol, on va aménager tout le sous-sol. » Puis là, il nous reste encore 100 000 dans notre compte. Avec ça, on va pouvoir faire le rez-de-chaussée, puis tout va être fait, ici, à part les appartements, puis ça presse pas. Mais c'est pas de même, ça s'est passé, pas en tout. Finalement, on a fait... L'excavation a coûté 100 000, mais là, c'était juste excavé, là. Puis là, après ça, les autres, ils ont tout arraché le système de ventilation, ici, parce que ça faisait plus. Puis notre fournaise pour chauffer, ici, le chauffage de rez-de-chaussée, c'était vieux, ça faisait plus. Deux réservoirs à eau chaude, c'était plus bon. Le toit, il fallait y remettre 3-4 000 là-dessus là, pour lui permettre de vivre encore un bon 8 ans sans qu'il pose de problème. Dans les logements, notre assureur a décidé d'arrêter de nous assurer parce qu'ils ont pogné à la chienne des genres de fournaises chauffantes au gaz naturel qu'il y avait dans les appartements en haut. On n'avait plus d'assurance. On reçoit un email de même. On vous assure plus dans quelques jours, fait que démarrez-vous. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, ben, j'ai fait enlever des affaires en haut pour mettre du chauffage électrique. On a gardé, par exemple, chauffage au gaz naturel ici, au rez-de-chaussée. Fait que c'est ça, on a fait ça. Fait que là, nouvelle fournaise, 8 000. Nouveau doc d'aération pour cette fameuse fournaise. Moi, je pensais que c'était rien, ça. C'est simple, ça. Mets des docks, c'est-tu, là. Ben non, ça coûte quasiment 8 000, cette affaire-là. Puis là, ça finit plus, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, le gaz naturel, là, il faut rajouter un bout de tuyau, faut faire ci, faut faire ça, 5000. Là, pendant ce temps-là, ils démolissent toute la rue en avant ici, puis ils refont toutes les sorties d'eau de la ville. Fait que là, tant qu'à être là, nous autres, on avait une vieille entrée d'eau dans l'immeuble, et puis on va faire des trous anyway, puis la ville fait un trou anyway. Fait qu'on va faire changer l'entrée d'eau qui était en plomb, là, je sais pas quoi, qui était trop cool, puis qu'il faut faire changer un jour anyway pour en cuivre, coupe de mille là. Là, man, à un moment donné, je faisais juste comme tirer des 5000$ partout comme ça. Hein, 5000$, puis tiens, fuck you. Fait que finalement, tout notre beau buffer de 100 000 a passé au grand complet. Et puis présentement, dans le sous-sol dans lequel je suis assis, on est même à moins... On va finir là, à moins 5 000 à peu près, qu'on peut retourner prendre sur notre marge, dans le fond. Fait que c'est pas mal ça qui arrive, voyez-vous, je suis très cassé. Puis là, on n'est pas meublé, là. C'est pour ça que j'ai mes vieilles affaires. Puis là, en haut, c'est rendu super grand. Fait qu'il faut se meubler en conséquence, tu sais, ça va prendre les plus gros meubles, les plus gros ci, les plus gros ça. Puis ouais, la cage d'escalier tantôt que je vous ai montré, ça c'est un 1000 kecs de plus aussi. Puis il y a de la plomberie là-bas aussi. Le plancher chauffant, il manquait un appareil. Ça, c'était pas inclus, ça a l'air, fallait payer pour ça. Je vous dis, les dépenses là, non-stop. Fait que ça l'a pas arrêté. Fait que là, on est moins quelques mille, on se garde un peu d'argent en marge pareil là, dans notre compte conjoint pour payer les taxes qui viennent de rentrer. Non seulement les taxes viennent de rentrer, mais là, bien sûr, vu que les travaux sont finis, eux autres, on avait un permis pour faire ces travaux-là. Là, la ville, le permis est terminé. On va aller faire une inspection pour vos taxes foncières, messieurs. Ah, c'est beau ici. Bon, ben, parfait. On vous tient au courant dans quelques mois. On va sûrement augmenter vos taxes en tabarnak. C'est ça qui arrive. Fait que paye. Donc, je voulais juste mentionner que la tuque que j'ai sur la tête, je l'ai depuis plusieurs années. Le chandail ici, gratuit d'Arcane Montréal. J'ai des bobettes aussi. Fait une bonne année, les quelques que je possède, ces bobettes-là. Fait que bref, On va pas en voyage en avion en Europe. Et puis, on est serré. Et puis, je m'achète pas de linge. Je vends des affaires de ma collection. J'affûte ma collection. Mais ça, c'est un autre budget, anyway. Mais tout ça pour dire que l'argent a passé. Fait que, pour faire un résumé de tout ça, c'était une aventure assez folle, mais ô combien stimulante. Puis oubliez pas qu'on a ouvert un magasin de jeux vidéo pendant ce temps-là, là, pendant que ça excavait ici, puis qu'on virait fou avec ça. Et puis, fait que j'ai pas eu de break depuis les deux dernières années, à partir de la prise de décision de vendre notre maison jusqu'à aujourd'hui. Je commence à avoir un break à partir de maintenant, et ça fait du bien. Et tout ça a coûté extrêmement cher. Mais puis là, je vous ai dit des vrais chiffres. Je suis pas gêné de ça. Moi, je pense que dans la vie, si le monde parlait un peu plus de chiffres, leur salaire, leur, tu sais, comme on serait tous un peu plus. Il y a personne qui fait son frais avec ça. On a toutes des dépenses. Puis tu sais, moi, je pensais jamais pouvoir avoir un immeuble comme ça avec ma paye de minable, mais je suis quand même assez économe et je mets de l'argent de côté toujours et puis de l'épargne et puis je crois à ça quand même. Je pense dans la vie que quand tu vis en fonction de ta première paye, t'as aucune liberté, t'es un prisonnier là. Donc il faut faire attention à ça, il faut commencer à épargner tôt et puis attention aux dépenses, mettez de l'argent de côté, puis les enfants aussi, hein, oubliez pas, j'ai deux enfants moi là, il y en a un qu'on va envoyer au secondaire privé, il joue au hockey, l'autre il commence à avoir des skills de danse puis de gym, puis il faut les habiller, là ça mange de plus en plus, hein, t'sais. Là on sauve sur les couches, mais ça mange, c'est bien correct, on fait ça pour eux autres. Puis s'il avait fallu justement que je pense à toutes les étapes de tout ça avant qu'on décide de juste sauter dans le vide puis vendre notre maison, je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Mais on avait le goût de l'aventure, puis on s'est lancé, et puis je pense que la vie est ainsi faite. Des risques calculés, on serait pas, on n'aurait pas mis nos enfants dans la rue, puis on aurait été correct anyway. On a des parents, on a des ressources, t'sais. On n'aurait pas été mal pris. Mais overall, tout ça est très bien. Puis là, on a vraiment comme plus d'argent. Et puis, c'est pas grave, tout notre argent est ici, dedans Saint-Mur. Et puis moi, je vois ça comme un très bon investissement. Là, si on a payé cet immeuble-là 650 000, on a mis 150 000 à peu près de travaux en excavant le sous-sol. Fait que disons que là, si on est rendu à 800 000, je suis pas mal certain que l'immeuble ici, d'ici, avec le marché qui va monter, puis vu qu'on a ça, puis qu'il y a personne, ben pas beaucoup de gens dans le quartier ont de quoi d'aussi épique comme sous-sol. Si on voulait vendre, tu sais, puis en restant ici longtemps, c'est pas un flip ici. Ici, on investit dans notre famille, on reste ici. Un flip, c'est une toute autre histoire. Je pense que l'immeuble d'ici, bien avant les 10 prochaines années, il va sûrement frôler le million. Donc, c'est vraiment un investissement à long terme. Moi, j'ai pas l'intention de m'en aller d'ici. Et puis, j'ai 40 ans. Donc, il va être fini de payer quand je vais avoir 65 ans ou peut-être avant, on verra. Et puis, ça, c'est à nous après ça, là, tu sais. Après ça, les loyers, ils rentrent. On continue de travailler quand même. On a d'autres sources d'argent. Donc, si jamais il faut s'en départir, ben on va revoir notre argent pas pire, là, tu sais. Le gars, l'ancien propriétaire ici, quand on était chez le notaire, tu sais, le notaire a passé un commentaire dans le sens « Ouais, ça va bien, là, tu sais. » Lui, on lui donnait 650 000, là. Mais lui, il avait ça depuis 10 ans, lui-ci, là. Puis il a pas payé ça cher, là. Ça doit être beau s'il a payé ça 300 000 dans le temps, là. Hey, ça en fait de l'argent, ça, là, du jour au lendemain, là. Donc, pensez à ça. Moi, l'immobilier, je crois en ça pas mal, surtout parce que je suis pas assez intelligent pour gérer la bourse et les placements. Je paye du monde pour ça. Pas que je suis un gros gars de la bourse ou whatever, mais j'en mets de côté. Mais ça, je connais pas beaucoup ça. Mais l'immobilier, j'aime ça. Je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est un bon investissement. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Alors, c'était très personnel comme show, mais c'était très real aussi. Et puis, je pense que c'est ce que vous aimez quand vous m'écoutez. Donc, c'est des discussions d'adultes et puis des choses importantes. Et puis, une aventure qui peut peut-être vous inspirer ou vous donner des cues. Toujours est-il que faut oser rêver, faut essayer des choses. Et puis, faites-le bien. Et puis, on a juste une vie à vivre, hein, comme on dit. Alors, voilà. Et puis, c'est ça. Là, je vais gamer ici, puis tout se passe ici. Donc, à partir de maintenant, chez Papa Cassette, j'imagine que ça va évoluer. Je vais recommencer à streamer, à faire des setups de pauvres. Et puis, j'aimerais, podcaster avec des amis, des collègues ici aussi, pour pouvoir me relancer la balle un peu, tu sais. Donc, tout est possible maintenant que j'ai l'espace. Donc, ça va être excitant au cours de la prochaine année. Et puis, voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mettez de l'argent de côté et à très bientôt.